Nous étions amoureux fiers dans notre adorable univers, jusqu'au jour où tu t'éloignas sans avoir l'air de voir que ça pouvait me faire un peu mal au cul. Nous étions bien ensemble, un petit peu trop heureux. Nous aimions peut-être un peu trop fort pour nous deux. L'amour est un bel enfer, surtout quand tu fous tout en l'air sans prévenir du tout. La raison reste un mystère, mais c'est pas ma faute, ça c'est clair. C'est toi qui sais tout. Nous étions bien ensemble, un petit peu trop heureux. Nous aimions peut-être un peu trop fort pour nous deux. Pour te garder près de moi, tout simplement j'aurais dû je suis pas en colère, je finirai bien par m'y faire. Je suis sympa, tu vois. Allez, retourne chez ta mère, moi je vais prendre un petit peu l'air tout seul avec moi. Nous étions bien ensemble, un petit peu trop heureux. Nous